Échangeur 22, résidence ressources, création contemporaine. Nora, Nora, Nora. Dans le cadre de la prochaine édition augmentée d'Échangeur 22, l'artiste Guillaume Barborini a écrit un texte poignant. Nous vous présentons ici une interprétation de ce texte avec une proposition d'illustration sonore de Nora El-Khamsi. Le dimanche 6 janvier 2019, au matin, le nord-est de l'Asie est surplombé par une éclipse partielle du soleil. En Corée du Sud et au Japon, un tiers d'étoiles s'échappe sous la lune. Une moitié de globe terrestre plus loin, où l'éclipse n'est pas, Jair Bolsonaro achève son 5e jour à la présidence de la République du Brésil. Entre ces deux bouts du monde, pas de lien tangible autre que le monde lui-même. Mais la tentation tout de même, en cette année naissante, de faire d'une région la métaphore de l'autre, et d'y voir alors des jours s'entr'ouvrant sur une planète assombrie. 2019-2022. Résister. Du Japon vers la Corée du Sud et jusqu'au Brésil, c'est en passant par la France qu'un désir s'élance et enlace, dans un même geste, les quatre pays. Geste qui serait celui de l'art. Désir porté depuis Saint-Laurent-des-Arbres par l'association Échangeur 22. Échangeur 22. Échangeur 22. Échangeur. Échangeur 22. En 2019, étreindre artistiquement le Brésil s'entreprend ou se maintient avec fragilité parce que son président supprime le ministère de la Culture au premier jour de son mandat, remplacé par un secrétariat claironnant une guerre culturelle contre les forces progressistes. Parce que le secrétaire en poste déclare en janvier 2020 que l'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national ou ne sera pas. L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et sera national. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Reprenons ainsi des mots prononcés quelques décennies plus tôt par un ministre de la propagande dans une Allemagne nazie. En janvier 2020, alors que le nationalisme brésilien exalte dans des intonations martiales un art du recroquevillement, la ville chinoise de Wuhan, placée en quarantaine, annonce les prémices d'un autre repli. Depuis Wuhan, s'amorce ce double mouvement planétaire de la propagation d'un virus et d'une contraction des sociétés humaines. Les pays se cloisonnent, le monde globalisé se morcelle sous l'action d'un agent microscopique qui nous rappelle précisément que le monde est un enchevêtrement de liens. Les vies humaines de 2020 ont une pandémie en commun, une expérience partagée mais inégalitaire. Aujourd'hui, des pensées bégayantes, des intentions retenues, des gestes en forme de lapsus rappellent de temps à autre ce temps incorporé en celles et ceux qui l'ont traversé. Alors un vocabulaire revient, par flash, sans charme. Nous sommes en guerre. Masque FFP2. Coronavirus. Test PCR. Les mesures de confinement ont été renforcées. Gel hydroalcoolique et masques chirurgicaux. La situation sanitaire se dégrade fortement. Sérologique, antigénique. Une épidémie qui inquiète. Geste barrière. En pleine crise sanitaire. Distance sociale. Propagation d'un nouveau variant. Couvre-feu et confinement. Campagne de vaccination. Télétravail et première ligne. Et cette ligne de séparation, tracée entre l'essentiel et le non-essentiel. Ligne brutale, mais par laquelle remonte l'évidence d'une question simple et profonde. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Quelles sont les aspirations et les attachements par lesquels nous entendons tenir et relier nos vies? C'est dans le suspens de cette question, face à son vertige aussi, que nous pourrions revenir à Saint-Laurent-des-Arbres, dire ce qui s'y mène, ce qui s'y engage à contre-courant de l'emballement du monde et qui recoupe ce que ces années restreintes ont malmené, empêché, amputé. Dans leur plus grande amplitude, les moments de partage, résidence, ateliers et expositions que motive Échangeur 22 sont autant de ponts qui, par touche, parcourent et touchent un peu du monde, en France et en Corée du Sud, au Japon et au Brésil, ailleurs encore. Des ponts reliés entre eux, ponctués de croisements, d'échangeurs justement. Je m'appelle Souhail Sleiman. Je m'appelle Evelyse Millet. Je m'appelle Gilles Bengisser. Je m'appelle Guillaume Barborini. Alors, je suis Ronan Marais. Érigés et maintenus de rencontre en rencontre, une infrastructure de poignées de main, mains tendues et saisies une à une, pour tisser un réseau vivant qui s'enroule sur la planète et qui l'arrondit du bout des doigts. face au monde étriqué des replis identitaires, face au monde uniforme, désincarné, dissous de la globalisation, boulevard d'une pandémie, Échangeur 22 revendique un monde autrement, rondement relié. De proche en proche, le plus local y appelle le plus lointain, et du plus lointain, un écho revient. L'association bat de cette pulsation qui envoie et invite, accueille et adresse, qui rassemble et essaime, où là-bas s'approche et où ici décolle, de sorte que ne reste qu'un mouvement, l'aspiration d'aller et venir vers, vers l'autre surtout. Depuis Échangeur 22, qui est donc davantage un élan qu'un lieu, il s'agit en somme de faire monde commun, sans délaver les singularités, sans les exalter non plus, mais simplement en les mettant en partage, par l'art. Ce monde commun, que les virus s'affichent et étouffent, que les nationalismes abîment, Échangeur 22 l'encourage encore au cœur de la pandémie. À côté, autant qu'à rebours du miroitement d'un monde d'après, l'association maintient la possibilité d'un monde pendant, un monde en cours, à cultiver dans les interstices de nos espaces cloisonnés, pour y partager de petites respirations que peut offrir l'art, faire fructifier nos vies verrouillées, tenir à ce monde en cours, donc, le relever, nous y soutenir, d'ici un monde encore. Sortis des confinements, dégourdissant nos torpeurs devant des horizons dégagés, tout ce qui résistait à distance se réveille, s'étire et appelle doucement à se redéployer, dans un monde d'après qui coïncide avec un monde d'avant. Il s'agit désormais d'ébrécher le cours trop immuable des choses. Il faut filer des gestes artistiques pour faire chanceler les arrogances et les certitudes globalisées, superposées au flux de marchandises et de capitaux, des relais d'affinité, des rondes et des résonances complices, des expériences partagées. À l'échelle du monde, mais à la mesure des vies pleinement vécues, habitantes, entrecroisées, interdépendantes. Depuis Échangeur 22, quelque chose de l'art aide à tout ça, et tient, et entend tenir encore face aux bourrasques épidémiques ou identitaires, et ploie sans rompre dans l'époque telle qu'elle s'essouffle. Ploie pour mieux se redresser, et dans les vents dominants, fendre l'air. Ce texte a commencé avec un déclin de lumière. Il voudrait s'achever avec un regain de chaleur. Car s'y vibre, entre les lignes qui précèdent, le travail discret d'une résistance, c'est bien un des effets des résistances, électriques au moins, que de produire de la chaleur. Alors, aborder Échangeur 22, comme le foyer ouvert d'une énergie artistique fourmillante, un effet joule de la pensée collective et des gestes singuliers, des amitiés brandies et des replis bravés. Radio Nora 22, une production Échangeur 22, réalisée par Nora El-Khamsi.